Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 2. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 18 septembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es épagneul breton, tu es Saint-Hubert, tu es chevrotine, tu es sanglier, tu es aussi plomb dans l'aile. Oui, tu l'auras compris, ce matin, nous revisitons la chasse à notre sauce grand veneur. Depuis quelques jours, si tu aimes la chasse, la saison est ouverte ou va s'ouvrir. Dans les 70s, la France comptait presque 2 500 000 chasseurs. Aujourd'hui, la Fédération nationale comptabilise 1 450 000 permis de chasse. Certes, l'érosion est énorme, mais cela dit, aujourd'hui encore, aucun autre pays européen ne chasse autant que nous. Alors, dans les brumes matinales de l'automne qui s'annoncent, à quoi ressemble la chasse en 2005 ? Eh bien, de Jean Rochefort au goupil, de Valéry Giscard d'Estaing au braconnage, des paparazzi à Lady Di, de la chasse à cour à qui va à la chasse perd sa place, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de la chasse dans les campagnes de France. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités de la semaine. On est dimanche matin, on est bien, donc on se tutoie, le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool qui s'emballe, énorme succès de Boney M en 1976. She's crazy like a fool, parce qu'il est bon de débuter cette émission sur la chasse en écoutant une véritable tuerie. Alors, pour commencer notre exploration de l'univers viril qu'est la chasse, nous nous sommes tout d'abord demandé qu'est-ce que la chasse ? Chasser, c'est poursuivre et tuer du gibier, une des premières activités dans l'histoire de l'humanité. Petit rappel, le droit de chasse fut longtemps confisqué par les puissants. Sous l'Ancien Régime, seuls les nobles pouvaient chasser et ne s'en privaient pas. Loisir aristocratique suprême, la chasse se faisait au mépris des récoltes. À la fin du XVIIIe siècle, dans les cahiers de doléances, les paysans demandent au roi que cesse la destruction des cultures suite au passage des chevaux et des chiens. Le droit de chasse pour tous est un acquis de la Révolution française. La nuit du 4 août 1789, les députés de l'Assemblée constituante votent l'abolition des privilèges et, par là même, l'abolition du droit de chasse réservé aux nobles. Ça y est, les paysans peuvent maintenant chasser pour se nourrir ou simplement pour tuer les animaux qui saccagent leurs récoltes. Les Français vivent au rythme des saisons et l'ouverture de la chasse est, tout comme les feuilles mortes, un signe de l'arrivée de l'automne. Aujourd'hui, la chasse est un loisir qui s'inscrit dans une tradition historique solide. Si en 2005, l'ouverture de la chasse n'est plus un événement médiatisé, cela n'a pas toujours été le cas. Écoute par exemple ce qu'on en disait en septembre 1959 sur Paris Inter pour l'ouverture du journal. Tout ce que la Lorraine compte de chasseurs, ils sont près de 10 000 pour le seul département de Meurthe-et-Moselle, participent depuis ce matin à une ouverture placée sous les plus heureux auspices. Il a fait en effet un temps splendide aujourd'hui. Les températures s'élevaient allègrement au-dessus de 25 degrés et toute la journée, les plaines où paissaient les moutons de Jeanne-la-Lorraine ont retenti des premières décharges de la saison. Ces chevrotines ne seront pas gâchées car la saison s'annonce bonne pour les plaisirs cynégétiques. L'hiver peu rigoureux, le printemps ensoleillé et la sécheresse réunie font qu'il y a abondance de perdreaux, cailles et lièvres. On prévoit que l'année sera comparable à 1957, saison des beaux tableaux. Ici Michel Derem à Nancy. Hallucinant. Ah, les plaisirs cynégétiques, c'est magique. Bon, alors ça y est, le peuple a obtenu le droit de chasse, mais bon, comment chasser? Il existe plusieurs types de chasse. Le plus courant est celui que tu rencontres dans nos campagnes. Des mecs tout de vert vêtus se baladent avec leurs clébards et quand ils voient une bestiole, eh ben, ils tirent dessus. C'est classique. Sinon, il y a la chasse à l'affût. C'est très simple. Écoute bien, tu te planques dans un trou ou dans une jolie cabane, tu fais le moins de bruit possible, tu as le souffle court, tu es prêt à tirer. Si la bête ne vient pas, tu places un appât, tu allumes une loupiote et quand il arrive, pan, le tigre est mort. La façon classique de chasser le tigre en Indochine, en 1930, c'était l'affût, la nuit. Oui, on mettait un appât, le tigre venait sur l'appât, la nuit, on allumait la lanterne, on le tuait. Il est con le tigre. Comme autre type de chasse, tu as la chasse à la battue. Tu demandes à quelques potes de faire le max de bruit dans la forêt et toi, tranquille, t'attends que le gibier arrive. Mais si tu veux vraiment faire ton crâneur, le mieux, c'est la chasse à cours. Un équipage à cheval poursuit le gibier jusqu'à l'épuisement. L'animal est aux abois, il te reste alors à planter une dague dans le cœur de la bête. Si tu es trouillard, prends un fusil. Mais parfois, la volonté de tuer fait oublier tout respect de l'animal. En 1977, les images de bébés phoques qui se font massacrer sur la banquise à coups de bâton et de crochet traumatisent le monde. Il s'agit alors de récupérer leur fourrure pour en faire des manteaux. Certains tentent de réagir. Le massacre des bébés phoques suscite chaque année toujours la même émotion dans le monde et les mêmes protestations. Témoins ces manifestants devant l'ambassade de Norvège à Paris, parmi eux Gilbert Picard, mais surtout Brigitte Bardot, ravie de voir tant de monde. Je suis très contente parce que je dois dire que malgré la pluie, malgré le week-end, il y a beaucoup de monde qui sont venus là après cet appel que j'ai lancé et ils ont été formidables. Et vous allez poursuivre dans cette mission? Ah oui, il y a beaucoup de travail, mais du reste, à ce sujet, pour ne plus être moi-même toute seule, je fais une fondation Brigitte Bardot qui aura comme but essentiel de protéger les animaux dans le monde entier. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, phoques, dans l'Antarctique, les rois des phoques, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, phoques, ton amitié dure comme le roc. Même pour sauver des phoques, elle est ridicule, Bardot. Bon, tous les chasseurs ne sont pas des massacreurs. Pour certains, la chasse est un art. D'ailleurs, la France a eu à sa tête un expert en la matière, un tireur de première. Il m'est arrivé très souvent d'aller dans un pays à la recherche d'un animal et ainsi de suite, et de ne rien faire, de ne rien tirer parce que l'animal n'était pas là ou parce que ce n'était pas celui qu'il fallait. Je me souviens d'une très belle histoire en Alaska, dans une montagne. Et il y avait, là, on chasse le grizzly, qui est un animal, d'ailleurs, un des rares animaux dangereux. Et d'ailleurs, il y a un détail qui fait penser à la nature humaine, il est dangereux parce qu'il est de mauvaise humeur. Vous les voyez, quand ils se promènent, c'est un mec qui ronchonne tout le temps. Et même quand il n'y a rien. Ils sont structurellement de mauvaise humeur. Et naturellement, on ne doit pas tirer les femelles. Et je me souviens, un jour, je voyais comme ça arriver un grizzly qui arrivait de très loin, qui était superbe, très très bel animal, qui ronchonnait, qui venait dans ma direction. Et puis tout à coup, c'était pas très loin, il était à 300 mètres, derrière un rocher, on a vu un petit grizzly qui sortait. C'était donc une femelle. Et donc, toute l'expédition n'avait servi à rien. Toujours parfait, président Giscard. Si tu as déjà entendu quelqu'un imiter aussi bien le grognement du grizzly en colère, tu n'hésites pas, tu nous écris sur franceinter.com. Il a tout de même de la chance, président Giscard, car lors d'une de ses chasses, il aurait pu tomber sur un animal encore plus dangereux que le grizzly. Il aurait pu rencontrer le fauve qui fait trembler les plus téméraires. Attention, il arrive. Pipi, le v'là. Oh, l'ours qui pète. Bonjour les enfants. L'ours qui pète et qui rote. Jamais deux fois sur la même note. Pour la fenêtre. C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. À vous. L'ours qui pète et qui rote. Jamais deux fois sur la même note. Qu'est-ce qu'il pue? C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. L'ours qui pète et qui rote, une proie de choix que même un Ernest Hemingway, chasseur de fauves réputé, aurait aimé accrocher un jour à son tableau de chasse. De la chasse au grand fauve à la chasse au canard, des étangs de Sologne à la savane sauvage, les méthodes et les terrains de chasse sont variés. Mais c'est bien en politique que la chasse est la plus violente et la curée la plus terrible. Tiens, jette un œil à l'actu de la semaine. Tel Elmer, le petit chasseur teigneux des Tex Avery, Nicolas Sarkozy s'est vu chourer la vedette par un Dominique de Villepin plus Bugs Bunny que jamais. Quoi de neuf, docteur? La chasse a donc connu une réelle démocratisation avec la Révolution. Le droit de chasse pour tous est un acquis de 1789. Mais très rapidement, dès le 19e siècle, la chasse populaire est limitée. L'instauration d'un permis payant écarte les plus pauvres. Et puis, le droit de chasse s'oppose à un autre acquis de la Révolution, la liberté de propriété, chasse gardée, forêt privée. Forest. Nous sommes en 1990, chanson interprétée par Robert Smith et les Cure, chasseurs de tubes légendaires pour notre plus grand plaisir. Alors, pour continuer notre voyage au cœur de la chasse dans les campagnes françaises, il est temps désormais, après avoir évoqué la chasse comme activité, de nous consacrer à la sociologie du chasseur. Avant d'aller plus loin, soyons clairs, un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Voilà, ça c'est dit. Mais en réalité, il y a grosso modo trois types de chasseurs. Le premier d'entre eux pourrait s'appeler l'aristocrate. Héritier des pratiques de l'Ancien Régime, il considère encore aujourd'hui la chasse comme une affaire de noblesse. Et du coup, quand il s'agit d'aller traquer la bête, il croit toujours bon de se déguiser. Un loden fait toujours l'affaire, des bottes en cuir sont nécessaires et il n'oublie jamais son chapeau vert avec une plume de faisan. Quand il est prêt, à l'aube, juste avant de partir, il jette un coup d'œil dans la glace et il se dit ça, c'est sûr, c'est lui. Parfois, le chasseur aristocrate troque son loden vert pour une tunique rouge. Pour lui, la véritable chasse ne s'exerce qu'à cheval entre gens de bonne compagnie dans l'esprit de la tradition. Parce que le reste, mon cher, c'est vulgaire. Bonjour, cher ami. William? Milord? Avec vos amis, partez vers St. James Lane. Bien, Milord. Monsieur Fandor. Milord. Vous qui êtes un cavalier émérite, veuillez suivre la meute dans Black Skull Alley. Bien, Milord. Dites, my lord. Oui? Ne vous inquiétez pas, Fantomas ne se manifestera pas aujourd'hui, je suis là. Sait-on jamais? Oh non. J'ai fait venir des hommes de Scotland Yard à Rochefort. Merci. Oh non, mais je ne te pas la peine. Dites-moi, soyez prudent quand même, ne vous éloignez pas trop, hein? Soyez tranquille, monsieur le commissaire. Si Fantomas se manifeste, je suis de taille à lui répondre. Eh oui, dans une chasse à cours, il y a toujours des invités indésirables. Autre catégorie de chasseurs, le beauf. Lui, il se déguise souvent en paramilitaire, treillis camouflage, cartouchière, casquette. Son fusil, c'est sa femme, et chaque fois qu'il est en planque à l'orée du bois, il se prend pour un soldat dans les rizières de l'Indochine à la traque du Viet Cong. C'est sans doute le chasseur le plus dangereux pour l'homme ou pour son chien. Souvent aviné, il a la gâchette facile. Avec lui, ta cueillette aux noisettes peut vite se transformer en drame. Oui, ce chasseur-là, il fout la trouille. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait, dans tatoué, dans dur, dans vrai. Un dur, un vrai, un tatoué. Va savoir. Alors, pour en avoir le cœur net, nous avons essayé de savoir si parmi ces baroudeurs de la Garenne, il y avait tout de même des poètes et s'il était possible de distinguer parmi les chasseurs les bons et les mauvais. Nous sommes partis à leur rencontre. Écoutons, si tu le veux bien, ce que ces chasseurs, ces trois inconnus, ont à nous dire. Moi, c'est sûr que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse. Quoi. C'est un art. Bah oui, c'est tout. Bon, puis, faut quand même bien dire que la chasse à la Galilée de Cendrée, c'est typique du bouchonnois. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, le bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le bouchonnois. Bon, bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon sur Sondre, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Maris sur Sonnet. Oh, arrête. Ta grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du bouchonnois. La Galilée. C'est le bouchonnois, c'est vrai. Après, c'est autre chose. Oh, mais c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Écoutez, là, ça, c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est bon à becquer, là, et coucou, là, écoutez. Moi, je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais, celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah ouais, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Il fait gaffe. faut être... T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Où est-ce qu'on les trouve, les coins à galinettes? Ça n'a rien du Bouchonnois, il vous dira jamais où se trouve le coin à galinettes. Salope! Elle est belle, putain, on l'a eu! Bon, allez, on y va. Bon, ben, c'est clair, chasser le naturel, il revient au galop. Enfin, il y a le petit chasseur de campagne, le plus utile, le plus tranquille, le véritable amoureux de Dame Nature, celui qui parcourt le bocage, qui s'occupe en quelque sorte de la régulation des espèces et qui empêche surtout certains nuisibles de trop proliférer. Il ne chasse pas pour faire un carnage, ni pour assouvir ses pulsions de prédateur, non, il veut juste coincer le renard qui vient bouffer ses poules ou le sanglier qui saccage ses terres. Parfois, il ramène une perdrix ou un faisan pour la Toussaint. Ce chasseur-là ne dérange personne et d'ailleurs, ce n'est pas un vrai tueur. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Oui, un vrai chasseur prend surtout du plaisir à contempler les oies sauvages. Il n'est pas obligé de les canarder en masse. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est la chasse, nous avons joint cette semaine au téléphone un dandy, un acteur à la classe internationale, Monsieur Jean Rochefort. Certes, il n'est pas chasseur, mais son point de vue est toujours subtil. Pour commencer, nous lui avons demandé s'il se souvenait de la dernière fois où il avait croisé des chasseurs. Réponse, juste après le jingle. D'un dîner mondain récent, et j'avais une voisine très milieu de la chasse, burinée, que j'imagine avec un loden vert se promenant dans la campagne, qui au moment où nous attaquions le plat principal m'a dit « Vous tirez ?» Et je lui ai répondu « Mais madame, ça ne vous regarde pas, pour faire rire mes voisins bien évidemment. J'ai cru qu'elle parlait d'une activité sexuelle possible. » Et en fait, elle me demandait si j'étais chasseur, par cette expression de « vous tirer » que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'en fréquente peu. Cela dit, j'attends votre autre question. Très bien. Bon, alors autre question, Jean Rochefort. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à imaginer que vous n'ayez jamais chassé de votre vie. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'une partie de chasse en particulier? Alors, une anecdote rapide. Je suis troufion et militaire, je fais mon service militaire et j'ai un ami qui m'emmène à la campagne dans sa maison et puis il m'emmène à la chasse aux canards à l'aube au-dessus d'un étang et je vise quelques canards que j'entends encore ricaner après avoir vu mes plombs atterrir à 25 mètres de ça, c'est pas mal. Et puis la matinée se passe et j'ai mon fusil. Et en rentrant dans cette maison, je vois sur une branche basse une chouette chevêche. C'est des toutes petites chouettes qui étaient là à l'aube en train de me regarder. Et je l'ai fusillée à bout portant. Cela reste pour moi un souvenir extrêmement triste et qui me trouble encore. J'avais quand même eu une pulsion meurtrière intense à ce moment-là. Mais vous l'avez donc flingué à bout portant, la chouette, c'est ça? Je l'ai flingué à bout portant, ça n'était plus qu'un petit tas de plumes dans le sable. Et je dois dire que je n'en étais pas très fier. Bon, on sent bien, Jean Rochefort, que ce n'est pas votre tasse de thé, le tir aux pigeons. Mais la chasse recouvre aussi d'autres domaines. On dit bien chasseur de tête ou chasseur de primes. Et parfois même, en séduction amoureuse, on parle de se mettre en chasse. Alors, en termes de séduction, vous, qui êtes un séducteur, vous sentez-vous chasseur ? La question me fait rire. Alors, puisqu'on aborde ce sujet, que je qualifierais d'intime, hein, pour une radio publique, c'est étonnant, mais... mais... Alors non. Moi, je baisse la voix, là, pour que les auditeurs n'entendent pas, mais je n'ai jamais été un chasseur, je suis un passionnel. La séduction... comme une chasse, c'est quelque chose qui, a priori, me fait horreur et ne m'intéresse pas. J'ai toujours attendu, quand je ne l'avais pas, le grand amour au coin de la rue, mais ça n'est pas de la chasse, c'est l'espoir du rêve et du bonheur, quoi. Du mieux que la vie, hein. L'attente du mieux que la vie. Midi dans le salon de la duchesse. À midi, dans le salon de la Duchesse, c'est ce que chante Kerenan parce qu'il arrive souvent que dans le salon de la Duchesse, il y ait une tête de blaireau accrochée au mur, le portrait de Monsieur le Duc. Continuons maintenant, si tu le veux bien, notre exploration de la chasse en évoquant la traque d'un gibier très particulier, l'homme. Oui, parce que la notion de chasse se décline allègrement. Tout d'abord, comme nous venons de l'évoquer avec Jean Rochefort, les séducteurs sont parfois des chasseurs. Le prédateur sexuel est toujours en quête d'une proie. La nuit, dans les discothèques, sur son terrain de prédilection, il rôde, il est à l'affût, il arrive même parfois qu'il chasse en meute. Ses camarades de régiment lui servent alors de rabatteur. Et curieusement, il s'agit souvent d'un gibier que tu trouves aussi dans les sous-bois. Ce Cela dit, attention. Heureusement, la prédation sexuelle n'est pas réservée qu'aux hommes. La femme aussi traque le mâle. Elle est plus observatrice, elle connaît les pièges à tendre. En général, elle est plus élégante, elle chasse à l'arc et décoche ses flèches en choisissant sa proie. Chasse à l'amour, chasse à la vie, nous faisons tout autant que nous sommes. Avec nos corps, avec nos cris, la chasse à l'homme. C'est un gibier de qualité qui se dérobe et qui s'étonne de nous trouver à ses côtés. Il y a mal donne. Autre chasse particulière, mais moins drôle celle-là, la chasse à l'homme, la traque. Par exemple, comment qualifier autrement ce que désire Nicolas Sarkozy quand il scande avec obstination que les résultats de la traque aux clandestins sont insuffisants? Pour assouvir ses instincts de chasseur, Nicolas a donc fait pression sur le ministère de l'Emploi pour qu'il ordonne à ses inspecteurs du travail de poursuivre les sans-papiers sur leur lieu de travail. La traque continue, pour un chasseur de sans-papiers, la gibecière, c'est un charter. Par ailleurs, depuis quelques années, il y a également de gros gibiers qui courent dans les montagnes. Le général tortionnaire Mladic, qui joue à cache-cache avec des casques bleus en Bosnie, le Mollah Omar sur sa moto et le Ben Laden sous son turban qui nargue le monde. Il n'y en a qu'un qui s'est fait choper, c'est le taré de Babylone. Souviens-toi de ce Saddam Hussein vieillard et grabataire acculé au fond de son terrier. Une chasse à l'homme revêt toujours un caractère morbide, surtout quand elle s'achève par une exécution sommaire comme ce 2 novembre 1979. Oui, Mesrine pris au piège. L'ennemi public numéro 1 s'apprêtait à partir en week-end cet après-midi vers 15h lorsqu'il a été intercepté porte de Clignancourt. Une véritable embuscade. En quelques secondes, la voiture de Mesrine, une BMW, voyait sa route coupée par un camion rempli de policiers. Puis ce fut la fusillade. Mesrine, criblé de balles, était mort. Gilbert Picard, vous êtes arrivé quelques minutes après que le piège se soit refermé. Alors vous nous racontez le film de cet après-midi. Alors, ce que j'ai vu d'abord, porte de Clignancourt, c'est un embouteillage monstre. On entendait un concert assourdissant de klaxons et de sirènes de police. Et puis, au milieu du carrefour, juste contre le terre-plein central, deux voitures, une BMW et devant, un fourgon bleu clair, celui de la police. Dans la BMW, un homme affalé sur le volant. L'homme, c'était Mesrine. Un cordon de police contient la foule. J'essaie de me faufiler et je peux m'apercevoir le pare-brise constellé d'impact de balles. J'en compte 18. Je m'approche, Mesrine est en sang, les balles ont toutes fait mouche, la poitrine est criblée. Et puis, après le départ du cadavre dans le fourgon, après le départ de la BMW tractée par une grue, lentement, très lentement, la circulation a repris. Je suis resté un peu sur place et il ne restait comme témoignage de ce dernier acte Mesrine, simplement des taches de sang sur le pavé de Paris. Ce 2 novembre, devant le cadavre du truand, les policiers exultent et se congratulent. Un joli trophée de jazz. Cela dit, il persiste un doute. Pourquoi ces policiers chasseurs qui, on le sait aujourd'hui, avaient repéré Mesrine depuis plusieurs jours, ont attendu ce 2 novembre 15h en pleine rue pour flinguer la bête traquée? Peut-être pour reléguer au second plan une actualité extrêmement gênante pour le pouvoir giscardien. Oui, le lendemain, le 3 novembre, avaient lieu les obsèques de Robert Boulin, ministre du Travail. Sa mort a bouleversé la France. Mis en cause dans une affaire immobilière, le ministre devenu gênant a été retrouvé sans vie dans 50 cm d'eau, gisant dans un étang en forêt de Rambouillet. Suicide ou accident de chasse à cour? Enfin, il existe aussi, dans le registre de la chasse à l'homme, une autre pratique tout aussi ragoûtante, celle des paparazzi. Eux aussi, ils sont en planque et traquent la bête. Le gibier du chasseur de scoop à scandale doit se méfier, car quand le people est en ligne de mire, le paparazzi a toujours la détente facile. Oui, si tu es célèbre, pété de thunes et que tu roules des pelles à un inconnu, ça mitraille sévère. Tu me diras, forcément, les conséquences sont moins dramatiques qu'une véritable fusillade. Oui, sauf quand le paparazzi se veut coriace et charognard. Bonjour, l'information ce matin provoque une véritable onde de choc et une très vive émotion. Lady Diana est morte, la princesse de Galles, son ami Dodi Al-Fayed et leur chauffeur ont péri cette nuit dans un accident de la route sous le pont de l'Alma à Paris. Le couple essayait d'échapper aux paparazzi qui les pourchassaient depuis le début de leurs vacances en Méditerranée. Même si les photographes ont été blanchis dans la responsabilité de l'accident, il n'empêche qu'ils étaient plusieurs lâchés comme une meute après la Mercobenz sous le pont de l'Alma. Là aussi, une véritable chasse à cour. Alors oui, le chasseur de scoop à scandale ne lâche jamais sa proie. Parfois, jusqu'au dernier souffle, pour lui, c'est le prix à payer pour que ses clichés de l'amour se retrouvent en une de benne à ordures. Love in a Trash Can, les Ravenettes, sur l'album Pretty in Black, un groupe danois qui, en 2005, flanque l'amour à la poubelle. Nous allons maintenant poursuivre notre fresque cinégétique en retrouvant nos héros des temps modernes, les formidables Monique et Jean-Claude, qui partent aujourd'hui faire l'ouverture de la chasse. Maurice, le cousin de Monique, les a invités pour une partie de chasse en Sologne. Rémi, 12 ans, le fils de Monique et de Jean-Claude, les accompagne pour cette journée qui s'annonce extraordinaire. Le chien de la famille est du voyage. Jean-Claude est fier de son chien de chasse. Monique, elle, est sceptique. Leur toutou, il a peur de tout, même des pigeons. Elsa, la fille de la famille, est restée à la maison. Avec ses tripes macrobiotiques et végétaliens, elle n'est pas très chasse. Pourtant, Jean-Claude lui avait dit que ce serait une jolie balade. Bon, déjà, la journée commence moyen parce qu'à peine sorti de la voiture, après avoir enfilé ses bottes neuves, Jean-Claude se rend compte qu'il lui manque l'essentiel. Les bordels, c'est que j'ai mis mon flingue. C'est Rémi qui joue avec. Il s'en sert comme une batte de baseball pour renvoyer le plus loin possible des marrons. Petit con. Une fois tout le monde équipé, Maurice, Monique, Jean-Claude, Rémi et le chien partent à travers champs, l'œil aux aguets, à l'affût du moindre frémissement dans les buissons. Les 20 premiers mètres se passent sans problème quand, tout à coup, Jean-Claude devient nerveux. Il s'agite, regarde de tous les côtés, siffle, le chien a disparu. Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien ? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici ? Je l'aurais regardes-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Petit con, pour Jean-Claude, la journée s'annonce vraiment difficile. La petite troupe poursuit son chemin. Jean-Claude et le cousin Maurice sont prêts au combat. Monique ramasse quelques noisettes, Rémi se goinfre de mûres. Le chien, lui, ressasse les conseils de prudence. Si un sanglier blessé charge, il faut que je grimpe à l'arbre. La journée se poursuit tranquillement. Aucune bête à l'horizon, sauf un faisan d'élevage, lâché spécialement pour l'ouverture et qui se précipite vers eux. Dans cet univers hostile, il est content, le faisan d'élevage, de voir des humains. Jean-Claude et Maurice visent à bout portant. Merde, Jean-Claude a buté le chien. Maurice n'en peut plus de son minable compagnon de chasse. Surtout que Jean-Claude se place n'importe où. Maurice, c'est le troisième chevreuil qu'il loupe parce que ce con de Jean-Claude se trouve constamment dans sa ligne de mire. Maurice, il n'en peut plus, il en bégaye de colère et il lui dit à Jean-Claude: bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. La journée touche à sa fin. Ils ont fait plusieurs kilomètres à travers champs en rencontrant plus de chasseurs que de gibier. Monique n'en peut plus, son sac à dos est rempli d'épis de maïs, de champignons et de noisettes. Mais elle est heureuse de vivre ça. Son homme est si beau en tenue de combat avec sa plume de faisan sur le chapeau. Au milieu de la nature, elle prend délicatement le bras de Jean-Claude, il la regarde. Il s'imagine perdu sur une terre vierge et obligé de chasser pour manger. Pour eux, c'est Koh-Lanta, c'est l'aventure. Rémi, lui, est plus grognon. Il en a plein les bottes de marcher et les murs, qui n'étaient pas mûrs, lui donnent mal au ventre. En plus, le chien est mort, c'est lourd. Rémi, il voudrait bien que son père s'arrête un petit moment. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Soudain, Maurice fait signe à tout le monde de s'arrêter. Écoutez bien, mes amis, tendez l'oreille et entendez le brame du grand cerf en rut. Maurice est heureux d'avoir offert à ses cousins de la ville un des plus beaux champs de la nature. Monique, elle, est persuadée que c'est une vache ou une corne de brume. Jean-Claude et Maurice ont beau lui répéter qu'en Sologne, c'est pas possible, elle n'en démord pas, c'est une vache ou une corne de brume. Maurice est au bord du gouffre. Et, par dépit, se tourne vers le jeune Rémi et lui demande « Et toi, mon petit, as-tu entendu le cri grandiose du cerf en rut ?» Eh ben, Rémi, il lui répond « J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup. » Le cousin Maurice, il n'en peut plus. Il est à deux doigts de l'accident de chasse. Quand, à quelques mètres de lui, Maurice voit un chevreuil magnifique, une bête superbe. Il met doucement le fusil à l'épaule, tout le monde se tait, chacun retient son souffle et, pour une fois, personne n'est dans sa ligne de mire. Maurice aurait sans doute tué le chevreuil si le téléphone portable de Jean-Claude n'avait pas sonné et fait fuir la bête. Jean-Claude décroche et tombe sur Elsa, sa fille. Quand il raccroche, son visage se décompose et Monique lui demande « Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Elle disait « Faut pas toucher » aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Le cousin Maurice s'est tiré, il en avait ras-le-bol de subir ces trois relous. Jean-Claude ne sait plus quoi penser. La chasse, c'est tout de même plus compliqué qu'il ne le pensait. Mais bon, Jean-Claude, il est content. Il est persuadé d'être le champion de la drague avec sa super tenue de chasse. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'or. Oh, machiste alors. Je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas beau quand j'ai trop bu. Ces magazines nous contaminent, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas de photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue, image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus. Qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tille, c'est un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de là. Oh, machiste adore. J'ai le mouvement en poche. Et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Mais ma poitrine est imberbe. Il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne. Avec un long manteau, un chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Je suis un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. Allo, macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. Machistador, M en 1998, M pour Mathieu, Mathieu Chédid, un matador qui chasse la belette et qui sait qu'on l'adore, il n'y a pas d'erreur. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans le monde de la chasse, du grand veneur au chasseur du dimanche, de la galinette cendrée au lapin de Garenne, de Monique à Jean-Claude, nous t'avons esquissé un panorama de tes chasses à l'heure de l'ouverture. La chasse est en lien direct avec le sang et la mort, et cela en répugne certains. Elle s'ancre cependant dans une tradition historique et reste un acquis de la Révolution. Et puis, pour certains animaux, ce qu'on appelle les nuisibles, la chasse est une nécessité. N'ayant pas de prédateurs, le sanglier et le renard pullulent et il est nécessaire de réguler ces populations. La chasse est aujourd'hui considérée comme un loisir qui attire cependant de moins en moins. Tu me diras, tant mieux pour les bestioles. Pour terminer, nous pouvons nous arrêter un instant sur quelques expressions françaises inspirées de la chasse. Il y en a beaucoup, mais certaines sont d'actualité. Tiens, par exemple, la chasse au gaspille. À l'heure où le prix du pétrole flambe, nos dirigeants ressortent de derrière les fagots quelques mesurettes sympathiques pour nous faire économiser de l'essence. Roule moins vite sur l'autoroute, trimballe ton voisin en covoiturage. Sympa, c'est gentil. Ce qui est plus agaçant, c'est de se dire qu'il faut attendre que le pétrole soit hors de prix pour que l'on se décide à en limiter la consommation. Pourtant, quand le gouvernement annonce des aménagements de la fréquence des trains de certaines lignes corail, comme ce fut le cas à la fin de l'été, cela veut dire tout simplement qu'il y aura moins de trains. Eh ben c'est bien, c'est vraiment le règne de la bagnole. Les idées anti-gaspi datent des années 70, avec le premier choc pétrolier. À l'époque, le slogan disait « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Aujourd'hui, on n'a toujours pas de pétrole, mais les idées sont ultra-libérales. Aïe. Autre expression qui nous vient de la chasse, « chasseur de tête ». Un bon chasseur de tête, c'est celui qui trouve un salarié du tonnerre, un type super performant, flexible à souhait. Aujourd'hui, les chasseurs de tête sont surtout ceux qui réussissent à aligner sur le tableau de chasse les têtes des employés licenciés. Ainsi, Violette Packard peut exposer ses deux beaux trophées de la saison, plusieurs milliards d'euros de profit et des milliers de salariés licenciés. Eh ben bravo! La chasse acquise de la nuit du 4 août 1789, quand les privilèges ont été abolis, soit. Mais on est en septembre et elle semble bien loin, la nuit du 4 août. À l'heure où les constitutions sont à la mode, de la 6e République à feu la constitution européenne, quelle heure est-il, mon ami, pour le droit au travail ? Corazón, Manu Chao. Voilà, fin, deuxième épisode, c'était C'est quoi la chasse, revue à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un co-auteur Jedi sans qui cette émission ne serait pas la même. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui d'Anne Le Guéhennec et de Jean-Noël Velan. Merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi, alias Princesse Leia. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier deux autres membres de l'équipage, Maud Lobnitz et Caroline Chausset, documentaliste à l'INA Mangin. Pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pouvez également nous écrire des lettres à France Inter 19 avenue du Général Mangin, Paris 16e, autrement dit au Mangin Palace. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour sa nouvelle émission qui s'intitule Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Et maintenant, une page de récréation.